Être clean, avancer droit sans aucun faux pas pendant tout dit. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. Être clean, avancer droit sans aucun faux pas pendant tout dit. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. Triste la vibe, alors on se maintient. C'est pas les larmes qui vont faire revenir l'être, alors on se maintient. Mes rimes un poème, aussi viril qu'une lettre. Une virgule, j'aurais aimé continuer dans ce contexte. C'est pas un cesse qui fera de toi une découverte, non. Pas mon flou qui clôturera tous ces problèmes. T'as mis le rap en deuil, c'est triste comme un cercueil. Repose en paix mon frère, tes projets te feront honneur. Même si le moral n'est pas vraiment, fallait que je te dise combien tu manques. Joli sourire et bonne humeur, aujourd'hui rage et beaucoup de pleurs. J'ai les yeux rouges, les idées noires, des bords de pas, sinon je me noie. Je te remercie pour ta patience, dans les moments où ça allait pas. Ce n'est qu'un au revoir, j'espère que là où tu puisses me voir. Je n'ai plus que les mots et les images dans ma mémoire. Tu me manques, ces trois mots là pour me comprendre. Ridicule, je continue, je baisse pas les bras, je te l'ai pas dit. Mais je t'aimais grave, merci. Être clean, avancer droit sans aucun faux pas pendant deux tirs. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. Être clean, avancer droit sans aucun faux pas pendant deux tirs. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. Les mesures funéraires pour un pilier de l'heptagone. La boucle du kill, zéro du Freddy K, t'inquiète, y'aura pas de clown. J'ai un match de face pour l'équipe qui prend du poids. Dans sa saline grasse, c'est à ta santé que je bois. Kesto, c'est pour les refrains qu'on se déplace. Tous les anciens savent de quoi je parle, même si les dents grincent. Y'a du monde qui supporte, présent H24. Oxygène, département, mes pensées sont pour la toi. La tristesse n'a pas de frontières, on perçoit tous les mêmes choses. Un contexte de décès nous laisse à tous des lèvres mauves. Ce soir, on est tous morts, quelques parcousses. Nos cœurs ont tous d'âme et quelques cartouches. Freddy K, ma peine est véritable. J'ai croisé tous tes frères ici, leurs âmes ne guérissent pas. Ce soir, à tes cas pleurent et le ciel crie. Et en support, j'ai ramené ma gueule de la Belgique. Être clean, avancer droit sans aucun faux pas, on en doit dire. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. Être clean, avancer droit sans aucun faux pas, on en doit dire. Mais tes choix, ça pose un cri écart. C'est ça, être un bonhomme. Freddy K, ma mère était un bonhomme. C'est délicat, mais je viens donner toute ma pensée à Freddy K. 8 mesures ne suffisent pas pour faire passer ma dédicace. Je sais pas comment dire ça, j'essaie de le faire avec les tripes. Mais je t'avoue qu'il y a bien des mots que je me sens pas à même d'écrire. Ce soir, je pense à toi, tu vois, je me dis que t'es parti trop vite. Et je trouve la vie injuste quand je vois le bonheur des gars qui profitent. Le rap français en deuil, pleure un frère et un vrai soldat. Jusqu'à la fin des jours, le nom de Freddy K résonnera. Comme si le temps s'était stoppé net, on reste là figé, le visage miné par tant de peine. Trop d'orage de te savoir parti, pourquoi si tôt, Dieu se le sait. Mais t'inquiète Freddy, ton empreinte indélébile, comme de l'encre de Chine, reste à jamais gravé dans le hip-hop. Pour ceux qui savent, une page se tourne, les saisons meurent et renaissent. Même si de toi, désormais que les souvenirs qui restent. Frère, je viens poser quelques pros en guise d'adieu. Mais tout le monde sait que c'est que partie remise. C'est que partie remise. Freddy K, c'est que partie remise.